Amen. Bonjour. Vous allez bien? Ah, super. Donc aujourd'hui, le thème du message, c'est les murmures. Tiré de Nombre 11, 1 à 3. D'abord, on va parler du contexte. Donc, ce matin, je me disais comment j'allais faire pour vous pointer, mais Dieu s'est fait tellement les choses que je suis positionné comme ça, et là, c'est plus facile pour moi de vous pointer les choses. Donc, pour le contexte, ah, c'est bon comme ça. Donc là, le peuple d'Israël se trouve en Égypte, où il est esclave. Et là, Dieu le délivre. Donc, Dieu le fait traverser la mer Rouge. Et ensuite, il commence à marcher dans le désert. Donc, ici, vous avez l'épisode de Mara, décrit dans Exode, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï, ici. Et c'est là que Dieu donne les instructions au peuple. Dieu donne les ordonnances, les commandements. C'est là qu'ils font le dénombrement. C'est là que il y a l'assignation des Lévites par rapport au service. C'est là que, au niveau des offrandes, en tout cas, tout ce qu'on a vu. C'est bon? Et de là, au niveau du Nombre 10, ils quittent. Ils passent quand même beaucoup de temps ici. Et ils quittent ici pour, comme vous le voyez, la terre promise. Mais ils vont pas y arriver. Ils vont pas, cette génération-ci ne va pas y arriver. Une autre génération viendra. Mais Dieu veut les envoyer à la terre promise, qui est ici Canaan. Donc ici, là où on est, ils quittent là. Ils font à peu près 3 jours de marche. Donc peut-être se trouvent quelque part ici, estimation, quelque part là. C'est bon? On va lire Nombre, chapitre 3, verset. Ouais, chapitre 11, verset 1 à 3. Oui, Christian a donné 3 versets. Ouais. Est-ce que vous y êtes? Super. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. En guise d'introduction, on va aller 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 11 à 12. La Bible déclare, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ces choses, quelles choses? Ce que l'on va voir dans Nombre. Leurs sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc nous devons, il y a un enseignement à tirer de ce que l'on va voir aujourd'hui. Et Dieu dit que nous qui sommes à la fin des siècles, nous devons nous servir de cela, tirer les leçons de ce que l'on va voir. Et parmi ces choses, il y a les murmures. Donc ce matin, à travers deux faits qui ont eu lieu dans le désert, Dieu interpelle l'Église en général et chaque croyant en particulier à rejeter toute forme de murmure. Le premier fait, j'ai écrit dessert, hein? Bon, je vais le corriger après. Donc le premier fait par lequel Dieu interpelle l'Église, en général et chaque croyant en particulier, à rejeter toute forme de murmure, l'attitude des enfants d'Israël. Selon le voit dans le premier verset, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Le peuple murmura. Le peuple murmura, c'est aussi le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. C'est aussi le peuple se plaignit de la fatigue. C'est aussi le peuple se plaignait. C'est aussi le peuple fut comme des gens qui se plaignaient d'un malheur aux oreilles de l'Éternel. Donc en d'autres termes, ils se plaignent. Ouais, ça chiale, comme on dit au Québec, ça chiale. Et là, dans quelles conditions ce peuple-là se murmure plutôt? Ici, je vous emmène dans Deutéronome 8, 14 à 16. Donc là, c'est Dieu qui s'adresse à eux. Dieu, la parole déclare: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau. Première chose à remarquer, c'est que dans le désert, il y a des conditions hostiles. Il y a non seulement, la Bible même dit au Nouveau 15, ce grand et affreux désert. Il y a des serpents brûlants, il y a des scorpions. C'est un lieu aride et sans eau. Donc, et t'as fait jaillir pour toi, il a fait jaillir pour toi plutôt de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Même si les conditions dans le désert sont hostiles, sont difficiles, Dieu prend quand même soin d'eux. Tantôt, dans le contexte, le graphique que je vous ai montré, ils traversent le désert, mais de leur sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï, Dieu prend soin d'eux à chaque étape, même si les conditions sont difficiles. C'est Dieu qui les conduit dans ce désert. Et pourquoi? Pour les éprouver, pour leur faire du bien. Dans la Bible, il est écrit que qui dira dans Lamentation en particulier qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc c'est Dieu qui conduit son peuple dans ce lieu difficile et hostile pour l'éprouver. Et dans Jacques 5, il est écrit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc l'objectif de l'épreuve, c'est de rendre parfait et accompli. Rappelez-vous, le peuple vient d'Égypte. Il a été exposé à plusieurs sortes de dieux. Mais Dieu veut se former un peuple Et il doit passer par le feu pour l'épurer. Donc, en faisant passer son peuple par ce désert, Dieu veut que son peuple soit parfait, accompli, qu'il ne faillisse en rien. C'est là-dedans qu'ils sont. Et c'est là-dedans qu'ils murmurent, qu'ils se plaignent. Donc là, on a vu le premier fait, qui est l'attitude des enfants d'Israël, les murmures, les plaintes, à cause des conditions dans lesquelles ils sont, dans lesquelles ils vivent. Et cette attitude-là révèle leur manque de foi et de confiance dans le secours de l'Éternel. Dans Psaume 78, la Bible déclare, « L'Éternel entendit et il fut irrité. Le feu s'alluma contre Jacob et la colère s'enflamma contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. » Donc, ils n'avaient aucune raison de se plaindre, de murmurer, parce que depuis la sortie du désert, juste qu'au mont Sinaï, Dieu a pris soin d'eux. Et même au mont Sinaï, Dieu a continué de prendre soin d'eux. Donc cela révèle leur manque de foi et de confiance dans le secours de l'Éternel. Le deuxième fait par lequel Dieu interpelle l'Église en général et chaque croyant en particulier à rejeter toute forme de murmure, c'est la réponse de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, l'Éternel entend. Peut-être que si quelqu'un va en haut et parle, je ne vais pas entendre, mais l'Éternel entend. Non seulement les murmures, que l'on prononce de façon claire, mais aussi les murmures qui sont dans nos pensées. Dieu entend. Rien n'est caché devant celui qui voit tout. Et la Bible dit dans Psaume 139, 2, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres mes voies. Car la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc l'Éternel entendit. Elle s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le feu de l'Éternel s'alluma. Cela représente ici le jugement de Dieu. Lorsqu'on prend Lévitique 10.1, par rapport à Nadab et Abihu, à cause de leur péché, eh bien le feu de l'Éternel, il mourut par le feu de l'Éternel. Ensuite, dans Nombre 16.31, où les gens de Corée qui se sont révoltés, les 250 hommes ont péri par le feu de l'Éternel. Donc ici, le feu de l'Éternel qui s'est manifesté représente ici le jugement de Dieu. Et le feu qui dévore l'extrémité du camp est une manifestation de ce jugement-là. Donc, en premier, on voit le jugement de Dieu. Et puis, en deuxième aspect de la réponse, c'est l'arrêt du feu. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Ici, Israël a eu un intercesseur. Et l'intercesseur, c'est Moïse. Mais qui a suscité Moïse comme intercesseur de son peuple? C'est Dieu. Dieu suscite un intercesseur pour son peuple. Cela montre une chose, que Dieu ne voulait pas détruire son peuple. Il voulait corriger son peuple. Le peuple faisait ce qui est mal à ses yeux. Il murmurait, il se plaignait. Dieu envoie le feu. Il suscite un intercesseur et le feu s'arrête. Dieu, par ici, corrige son peuple qui était sur la mauvaise voie. N'est-il pas écrit dans Hébreux 12, 5 « Et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe à la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » N'est-ce pas les parents, quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien pour vous, vous le corrigez? C'est ainsi que l'Éternel agit envers son peuple. Donc là, on a vu le deuxième fait par lequel Dieu interpelle l'Église en général et tout croyant en particulier à rejeter toute forme de murmure. Le jugement de Dieu suivi de mettons la correction de Dieu. Comme application, ici, en fait, l'autre chose qui m'a frappé, c'est Dieu n'aime pas les murmures. C'est pour cela qu'il est écrit « Ne murmurez point. » Ne vous plaignez point. Souvent dans la vie, la vie est parsemée d'épreuves, de saisons difficiles, comme les enfants d'Israël qui traversent le désert, un milieu hostile. Et on peut être amené à murmurer, à se plaindre, parce qu'on vit quelque chose. Mais là, ce que Dieu nous dit, c'est de ne pas murmurer. Parce que murmurer, c'est une manifestation du manque de foi. Non seulement manque de foi, mais aussi on n'a pas confiance dans le secours de l'Éternel. C'est pourquoi murmurer, c'est Dieu n'aime pas le murmure, les murmures. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 10, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux. » Lorsque vous vous rappelez, vous essayez de vous souvenir des épreuves passées. N'est-ce pas que Dieu a été fidèle? N'est-ce pas que Dieu a été là, même si c'était difficile, il a été là? Alors, si il a été là, pourquoi alors douter de son secours? Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Romains aussi dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que le Seigneur est au contrôle de votre vie, du début jusqu'à la fin? Regardez les enfants d'Israël, Dieu sait où il veut les emmener. Il leur a dit, voici là où je vous envoie. Mais ils se plaignaient, ils murmuraient. Dans les passages qui vont suivre, vous allez voir encore plus détaillé leur murmure. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici, on va tous mourir. Vaut mieux qu'on retourne en Égypte, parce que là-bas, on mangeait bien. Alors qu'ici, on mange de la manne, on mange tout le temps les mêmes affaires. Mais Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Veillez les uns sur les autres. Hébreux 12, 24. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, c'est ne pas murmurer. Ici, c'est le peuple murmura. Le murmure ou les murmures sont contagieux. Si ce groupe-ci commence à murmurer, peut-être quelqu'un de l'autre côté qui l'a entendu va commencer à murmurer. Ça va prendre tout le groupe. Ensuite, l'autre personne, il entend, il va murmurer. Ça va prendre tout le groupe et ainsi de suite, ça va grossir. Et là, on va se rendre compte que tout le monde, d'un coup, commence à murmurer. Et ce que Dieu veut, c'est que nous veillons les uns sur les autres. Si quelqu'un murmure, si mon frère murmure, eh bien, je peux aller vers mon frère et l'exhorter à ne point murmurer. Nous exhorter les uns les autres à ne point murmurer. Alors la Bible dit de veiller les uns sur les autres. Donc, on a vu deux faits par lesquels Dieu interpelle l'Église en général et chaque croyant en particulier à rejeter toute forme de murmure. Donc le premier, c'est l'attitude des enfants d'Israël, murmure face aux conditions permises par Dieu. Deuxième, la réponse de l'Éternel, correction de son peuple pour lui montrer la voie, le chemin. Je reviens avec mon thèse d'introduction. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Ce que nous avons lu ce matin doit nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alors l'appel, l'exhortation, c'est ne murmurez point. Car Dieu n'aime pas les murmures. On va prier. Père, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole et merci pour ce que tu nous donnes. Et aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, car sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Et donne-nous la force. Peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes ou nous trouvons, c'est toi qui permets toutes choses. Et tout ce que tu permets dans nos vies est pour notre bien. C'est pour nous rendre accomplis et parfaits. Alors, aide-nous, Seigneur, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, à ne point murmurer, à ne point nous plaindre, mais à remplacer les murmures par des actions de grâce, à te rendre grâce en toutes choses. Car tu es Dieu, tu es souverain, et tu es notre Père. Au nom de Jésus. Amen.